Yes. Welcome to the. Bienvenue à tous. Thank you very much. Good playing. This song is my composition. Call me. In French, appelle-moi. Bon, c'est bien tout ça. Non, non, non, voulu cheveux, le clair du ciel bleu. Oh, elle s'appelait Lucille. Oh, Lucille, Lucille. Sunshine, ooh. Oh, oh, oh. Il va pas.